إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc on continue inshallah ta'ala cette série intitulée L'ornement précieux des époux vertueux, et c'est le 10e cours, et on va continuer donc où on s'est arrêté la semaine dernière, bi'idnillahi ta'ala wa bi'aunillah azza wa jal. On a parlé d'un sujet la semaine dernière, et qui était le mariage avec ce qu'on appelle al-kitabiyya. Al-kitabiyya, qui est bien sûr la femme qui fait partie donc des gens du livre. Et donc par conséquence, la juive ou la chrétienne. On avait rappelé que al-asl, comme a déjà fait le Coran, والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. C'est-à-dire donc, d'après ce verset, Allah Azza wa Jal nous a autorisé de nous marier avec les femmes des gens du livre. Al-kitabiyya. Ça c'est la permission. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. Et on avait vu que certains savants de nos jours, bien entendu ici, على حسب الواقع, par rapport à l'actualité, c'est-à-dire par rapport à l'époque où on vit, il déconseillait de se marier avec ce genre de femme. Et bien entendu, le fait de déconseiller, cela était bâti, ou cet avis était bien bâti, par rapport à ce qui est le plus courant, al-aghlab. On a même vu que certains savants, comme Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, ils n'envoyaient même pas la permission. Comme il dit dans une de ses cassettes, Fisil Silat al-Huda wa-Nur, à la cassette numéro 523, il dit là Yajuz. Dans une autre cassette également, où on lui demande, lorsqu'il a dit qu'il détestait cela, est-ce que c'est détesté min bab al-tahrim, fa'ajab il-na'am, c'est-à-dire il a répondu par oui. Par rapport à cela, bien entendu, ça ne fait pas partie, ou un avis comme celui-là, pour bien le faire comprendre, ça ne fait pas partie de ce qui rentre dans rendre illicite ce que Allah Azza wa Jal a rendu licite. Et ça, on l'avait expliqué la semaine dernière, pour ce qui est de cette question-là. Et je pense qu'elle est plus qu'évidente aujourd'hui pour tout le monde. Mais là, on va insister pour bien faire comprendre. C'est par rapport à l'état des choses, et plus précisément, la situation de ces femmes-là, qu'on appelle le kitabiyya. Et le cher, bien entendu, lorsqu'il répondait, et lorsqu'il parlait, c'était pour ce qui est plus précisément de ceux qui vivent en Europe. C'est de façon générale également, mais plus précisément pour ceux qui vivaient en Europe, parce que les questions venaient de là, dans la plupart des cas. Et le shir a insisté par rapport au verset, qui est également une des conditions qui va être demandée ici. Lorsqu'il a dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, « وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْمُحْسَنَاتُ وَالْمُحْسَنَاتُ » C'est-à-dire donc des femmes qui ne prennent pas des amis, et des femmes, bien entendu, qui ne sont pas des femmes qui commettent la fornication, l'adultère, taïb. Et bien entendu, lorsqu'on poserait la question, et dans les sociétés que l'on connaît, surtout en Europe, si on demandait l'état ou la situation de ces femmes, dans la plupart des cas, on répondrait que ce sont des femmes qui ne remplissent pas cette condition. Wallah al-musta'an. Donc, d'après cela, on va bien entendu bâtir cet avis. C'est-à-dire que cet avis va être bâti par rapport à cela. Taïb. Donc ça, c'est tout simplement en regardant la situation actuelle et l'état des choses. Taïb. Mais bien entendu, si la personne trouvait une femme parmi les gens du livre, qui est d'une bonne éducation, une éducation qui a été suivant la religion chrétienne, où il y a une application, ce qu'on appelle bien entendu un iltizam, Alors dans ce cas-là, bien entendu, ça revient, on revient à l'asl, c'est-à-dire à l'origine même du hukm, et qui est al-ibaha, qui est donc la permission. Et bien entendu, à condition que cette femme-là ne soit pas une femme qui commet la fornication, qui prend des amis, etc. Chose donc qui est plus que rare de nos jours dans ce que l'on peut voir dans la société. Et personne ne pourra contredire cela. Sachant que même pour le musulman, et ça on l'avait vu, ou plutôt même pour la musulmane, et ça on l'avait vu dans un de nos cours, qu'il n'est pas permis aux musulmans de se marier avec une femme qui commet le zina, qui commet l'adultère parmi les musulmanes, comme on avait vu l'avis de l'imam Ahmad. Comme on avait vu dans le verset. Tayyib. Donc, minbab aoula. Donc, encore plus forte raison pour ce qui est bien entendu de Al-Kitabiyya. Donc, c'est pour bien comprendre ce qui a été dit la dernière fois, pour pas qu'il n'y ait une ambiguïté par rapport à la compréhension de cela. Ensuite, également une autre question qui va se poser par rapport au mariage. Et c'est ce qu'on appelle الزواج بنية الطلاق, c'est-à-dire se marier en ayant l'intention de divorcer. Cette question-là, elle était traitée par les savants, parmi les salafs et ceux qui sont venus après. C'est pour ça que l'imam Al-Uthaymin rahmatullah alayhi disait من المعروف من مذهب الإمام أحمد أن الزواج بنية الطلاق محرم وأنه داخل في نكاح المتعة. Il disait donc qu'il est connu de l'imam du madhab de l'imam Ahmed rahmatullah alayh que le mariage avec l'intention du divorce est interdit et que cela rentre dans ce qu'on appelle nikah al-mut'a, c'est-à-dire donc bien entendu le mariage de jouissance. Et on va revenir à cette question-là plus précisément. À la kulli hal, pour ce qui est de cette niya, pour ce qui est de cette intention, il faut savoir que cela peut arriver d'une personne qui, durant une période de sa vie, comme par exemple un musulman qui viendrait étudier dans un pays non musulman et qui aurait peur de la fitna, qui aurait peur donc de tomber dans une fitna et qui se marierait durant, avec la niya, durant cette période-là, de ensuite divorcer. C'est-à-dire que durant cette période-là, il va se marier avec cette femme et il va donc se protéger de tomber dans le zina de par ce mariage. Et ensuite, lorsqu'il revient par exemple dans son pays, il va donc la divorcer. La première remarque que l'on va faire par rapport à cela, qui est une remarque qui est très utile, c'est que pourquoi mettre en avant cette niya? Pourquoi mettre en avant cette condition ou arfouane, cette intention? Et ici on n'est pas dans la condition bien entendu, cette intention, parce qu'on va voir que la différence justement entre nikah al-mut'a, c'est-à-dire le mariage de jouissance, et cet acte-là de se marier avec cette intention, la différence qu'il y a donc entre les deux, c'est que dans l'un il va apparaître cette condition, la condition qui va être posée donc fizawaj al-mut'a ou nikah al-mut'a, qui est donc le mariage jouissance et qui a bien entendu été aboli, qui a donc été aboli et donc il n'est plus permis de pratiquer, c'est qu'il va apparaître dans les conditions al-mudda, c'est-à-dire le temps de ce mariage-là. Donc c'est une différence qu'il y a essentielle entre le mariage qui va être fait de par cette niya, de par cette intention, et le mariage qui dit de jouissance. Donc ça n'apparaît absolument pas dans la condition. Mais ça va rentrer dans la niya de la personne. Taïb. Pour revenir à ce qu'on dit, si on posait la question inverse et on disait à cette personne, pourquoi toi, donc dans ce cas, le cas qu'on vient de citer, pour par exemple un étudiant qui viendrait dans un pays étranger à lui, qui aurait peur de tomber dans le zina, de par la fitna qu'il y a devant lui, et ce qui ne serait pas habitué lui dans son pays d'origine, la question donc qu'on lui poserait, pourquoi mettre cette intention? Pourquoi mettre cette intention? Pour bien faire comprendre, pour bien comprendre la question de base. Pourquoi mettre cette intention qui est donc l'intention du talaq, c'est-à-dire de divorcer? Pourquoi cela? Parce que la question qui se poserait, si après la période qui se terminerait, par exemple de ses études, ça c'est un titre d'exemple, ça peut être, il peut y avoir beaucoup de situations, ça c'est un titre d'exemple, pour bien comprendre. Si à la fin de son parcours scolaire, il revient chez lui. Il a vécu avec cette femme durant ces années. Et que cette femme-là, il a trouvé une femme qui était pieuse, ou une femme qui l'a aidé, et une femme dont il n'est pas sûr de retrouver une de même qualité. Ce qui va se passer, c'est que, est-ce qu'il va être permis à ce moment-là qu'il la garde, alors qu'il a eu cette nid au départ? On va dire naam, et naam. On ne va pas regarder par rapport au niveau donc du contrat de mariage, on n'a pas regardé par rapport à cette intention. Donc il peut très bien la garder, même s'il a eu cette nia. Donc c'est comme ça qu'on pose en fait la question. C'est-à-dire que la personne, elle se marie avec une autre, de peur de tomber dans la fitna. Mais pourquoi elle va mettre donc cette intention-là? Pourquoi placer dans son cœur cette intention? Alors que peut-être cette femme-là, il va l'aimer, et qu'à la fin, il va rester avec elle, et jamais il ne concevra de la divorcer. Et c'est ce qui peut arriver, et c'est ce qui arrive beaucoup de fois. Donc ça, c'est déjà une première remarque que l'on fait. Mais pour ce qui est donc de la personne qui voudrait, par exemple, à titre d'exemple, jouir uniquement et ne pas regarder, par exemple, qui n'est pas concerné par le fait de tomber dans la fitna, ou etc., ou qu'il soit déjà marié, etc. Si on regarde donc pour ce qui est de ce mariage-là, est-ce qu'il va être halal ou haram? Est-ce qu'il va être autorisé ou non autorisé? Donc on va le regarder maintenant d'un aspect de la jurisprudence. Est-ce qu'il va être autorisé ou est-ce qu'il va être interdit? Donc on a vu la parole de Charles Othaymin, qui lui bien entendu voit l'interdiction. Et donc beaucoup, beaucoup de savants voient l'interdiction. Et pour répondre à ceux qui pourraient dire que pour ce qui est des conditions du mariage, jamais il n'est advenu l'intention de rester avec cette femme-là. Donc on pourrait répondre de cette manière-là, c'est-à-dire répondre à ceux qui disent que c'est interdit, de dire qu'au niveau des conditions, il n'a pas été demandé à la personne qu'elle ait une niya, c'est-à-dire une intention, de rester avec elle tout le temps. Ça ne fait pas partie des conditions. On les a vues, les conditions par rapport au mariage. Taïb. Mais en regardant ta'fir niya, c'est-à-dire mais en regardant d'un autre côté, pour ceux qui ont dit bien entendu que ce n'était pas permis, en regardant bien entendu l'influence qu'a l'intention par rapport au mariage, on va voir que dans certains cas cette intention va être prise en compte et qui bien entendu lorsqu'on parle de cela, c'est lorsqu'on fait un qiyas ma'al muhallil, lorsque la femme est divorcée trois fois, elle a été divorcée trois fois par son mari, de par bien sûr le texte coranique, il n'est pas permis qu'elle se remarie avec lui, sauf après qu'elle s'est mariée avec un autre homme, qu'elle a eu le rapport avec cet homme-là, et qu'ensuite, s'il advient un divorce avec cet homme, après cela, elle a le droit, ou son homme, a le droit de revenir, ou de la reprendre, dans ce cas-là. Et par rapport à cela, il y a certaines personnes, il est venu donc un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a interdit donc cet acte-là, et qui va donc revenir ici à la niya, qui va donc revenir à l'intention de la personne. C'est-à-dire que la personne, à ce moment, ou dans certains cas, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour pouvoir récupérer sa femme, elle va aller voir une personne, elle va lui dire « Marie-toi avec mon ex-femme », et ensuite « Talliqa », c'est-à-dire ensuite donc « Divorce-la », pour qu'ensuite je puisse la reprendre. Ça c'est « Al-Muhallil ». C'est celui donc qui va jouer donc le rôle de rendre l'épouse qui lui est donc devenu licite à cet homme, licite. Donc après qu'il se marie avec elle, qu'il a un rapport et qu'ensuite qu'il la délaisse. Ça c'est interdit. Et donc on voit à partir de là que cet homme-là qui fait cela, dans ce but-là, on voit que niya, que l'intention qu'il a eue, elle a une influence directe par rapport à l'acte. Et cet acte-là, il est muharram. La personne qui fait cela, et donc qui se marie avec cette femme-là, dans le but uniquement qu'il l'a rendre licite à son premier mari, et donc qui va bien entendu ensuite la divorcer, ça, c'est donc haram. Bin nas, hadith al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, de par même la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit ici que l'intention, elle a une influence, et qui va influencer donc sur le hukm, et qui est ici, al-tahrim. Ça, c'est sous un premier aspect. Et le deuxième aspect également, et c'est ce que nous rappelle Charles Othaymin, rahmatullah alayhi, et d'autres savants aussi, c'est Babel al-Khida', wal-rush, c'est-à-dire tout simplement la tromperie, la traîtrise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul min rashaf alaysa minna, c'est-à-dire celui qui nous trahit, ou celui plus précisément qui nous trompe, alors il ne fait pas partie de nous. Et on va voir ici que c'est bel et bien une tromperie, une traîtrise par rapport à la femme. Qui pourra accepter par rapport à la femme qu'elle se marie avec un homme alors qu'elle sait que cet homme-là, son intention, c'est de la divorcer. Juste qu'il jouisse d'elle et qu'ensuite il la divorce. Qui pourra accepter cela? N'est-ce pas une traîtrise? Donc sous cet aspect-là, également ça devient muharram, comme nous le rappellent les savants. Et également, pour appuyer cela, qui parmi les hommes qui auraient une fille accepterait qu'un homme vienne lui prendre sa fille, la demande en mariage, alors que dans sa niya, il a simplement l'intention de jouir d'elle et ensuite la divorcer? Est-ce que cela fait partie de ce que tu aimes pour ton frère? Également, ça c'est la question qui se pose. Donc, à la kulli hal, al-hukm fi dhalik, c'est-à-dire le jugement qui est porté à celui qui fait cela, c'est-à-dire donc al-zawaj bi niyat al-talaq, se marier donc avec l'intention du divorce, c'est un acte qui est muharram et qui n'est pas permis dans la religion, de par les aspects qu'on a cités. Wallah al-musta'an. Ça donc, c'est ce qui était en relation donc avec al-nikah, avec donc le mariage. Et également, lorsqu'on avait parlé de al-mahr, lorsqu'on avait parlé de ce qui concerne donc la dot, il y a également une chose qu'il faut préciser et qui est importante, c'est que jumhur al-ulama, la plupart des savants, que ce soit l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi, l'imam Ahmed et d'autres encore, disent que la femme n'a rien à préparer ou n'a rien à prendre de sa dot pour préparer donc le mariage. Et donc lorsqu'on dit bien entendu préparer le mariage, que ce soit par rapport à le repas de noces, que ce soit également après pour ce qui est donc de préparer la maison, etc. Et comme on l'avait cité, que cette dot c'est son droit à la femme entièrement et de manière absolue, et donc que cet argent lui revient à elle et qu'elle n'a pas à prendre de cet argent, sauf bien entendu si elle le fait de son plein gré et de bon cœur, elle n'a pas donc à prendre pour préparer l'appartement ou pour préparer tout ce qui rentre dans les préparatifs. Ça c'est à l'homme. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala yakul askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. C'est-à-dire donc, donnez-leur abri, asile, donc donnez-leur leur maison ou leur asile où vous avez habité. Donc habitez-là, habitez-les où vous avez habité. Et bien entendu, suivant votre facilité, min wujdikum, par rapport, bien entendu, votre facilité, ce qui vous a été rendu facile. Voilà yukallifullah nafsan illa wus'aha, c'est-à-dire qu'Allah azawajal ne cherche pas une âme de ce qu'elle ne peut. Donc, par rapport à cela, ça revient à l'homme et non à la femme. Également, lorsqu'on avait parlé la semaine dernière des repas du noce ou du repas des noces, on avait vu, ou on le cite si on ne l'a pas vu, c'est qu'il est permis également, pour ce qui est de donc al-walima, de la faire sans viande, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de viande et de choses qui sont simples pour la personne qui n'a pas les moyens. Et ça, min hadith Anas radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa walima lorsqu'il s'est marié avec Safiya, et qu'elle était constituée de dattes et d'autres nourritures qui étaient des nourritures de base de ce temps-là, et qu'il n'y a pas eu donc de lahm, qu'il n'y a pas eu donc de viande, ce qui était bien entendu de leur temps quelque chose qui était mukallaf, c'est-à-dire quelque chose qui était mukallaf, c'est-à-dire imposant. Taïb. Ensuite, un autre point également que l'on cite, et quelque chose donc que l'on rappelle à ceux dont Allah Azzawajal leur a donné ou leur a fait largesse, ceux qui ont des biens, ceux qui sont riches, c'est d'aider justement dans ce cas-là les gens à préparer, ceux qui eux n'ont pas les moyens, à préparer donc al-walima, de préparer donc les repas des noces. Les aider, ça c'est venu également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il avait demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man kana indahu lorsqu'il avait dit, et c'était également durant son mariage avec Safiya, il avait demandé aux gens, si quelqu'un bien entendu a ce qui est en plus par rapport à sa nourriture, alors qu'il nous l'apporte. Donc il est bien pour ceux qui sont riches d'aider, et de, par rapport à cela ils ont une grande récompense d'aider ceux qui sont pauvres par rapport à leur walima, etc. Et c'est pour ça qu'on verra qu'ensuite, dans les doigts, il y a les doigts ou les invocations qui sont donc pour les mariés, mais également les invocations qui sont de façon plus générale pour ceux qui ont été à l'origine de ce repas et qui ont été à l'origine donc de cette fête. Donc ceux qui ont ceux qui ont donc donné les biens pour que cela préparé. Donc cette doa, ces doa-là va venir également ou va concerner également ces personnes-là de façon plus générale. Donc il y aura des doa ou des invocations pour les mariés et pour ceux qui ont également aidé à préparer cette fête et ce repas des noces. Et donc justement, pour ce qui est des doigts que l'on dit, donc les invocations que l'on dit lorsqu'on est invité, nous, à ce repas de noces, les invocations qui sont connues, et dont toutes celles qu'on va citer sont authentiques dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien entendu en premièrement la doigts la plus connue. « Barakallahu lak » Wa baraka alayk wa jama'a baynakuma fi khair. Ça, bien entendu, c'est ce ou c'est la doa que l'on dit à celui qui vient de se marier. Taïb, donc ça, c'est l'occasion pour lui dire cette doa. Et c'est celle donc qui va être spéciale pour les deux mariés. Barakallahu lak wa baraka alayk wa baraka alayk wa jama'a baynakuma fi khair. Wa baraka alayk wa jama'a baynakuma fi khair. Et également donc pour ce qui est des invocations qui sont, on va dire, plus générales, et qui sont non seulement ce jour-là, mais également pour tous ceux qui nous invitent à un repas. Et wallahi, il faut y donner une grande importance à ces doigts, sachant que la personne, lorsqu'elle t'invite, lorsqu'elle te propose ce bien, et qu'elle fait cela par amitié, fraternité, sache que le minimum que tu peux lui rendre, c'est cette doa, et qu'il l'entende. Qu'il entende cette doa. Et qu'il se réjouisse de cette doa-là. Que ce soit donc le jour du repas des noces ou un autre repas dont il t'aura invité. Donc ça, c'est des doas qui sont plus générales. Et parmi ces doas, Allahumma aghfir lahum, warhamhum, wabarik lahum fima razaqtahum. C'est-à-dire donc, Allahumma, c'est-à-dire, on demande à Allah Azzawajal qu'il leur pardonne. Et qui leur fasse miséricorde, et qui leur donne donc la baraka, la bénédiction, par rapport à ce qu'il aura pourvoyé comme bien. Allahumma aghfir lahum, warhamhum, wabarik lahum fima razaqtahum. Également, et donc ça, ces doas, elles sont bien entendu de façon générale, que ce soit donc pour les mariés, ce jour-là, donc ceux qui ont préparé le repas, et qui sont de façon générale à l'origine, et donc tous ceux également, parmi les riches et les autres également qui ont été à l'origine ou qui ont participé à ces préparatifs. L'autre doa également connu, Allahumma at'im man at'amana wa asqi man saqani, c'est-à-dire donc, ô mon Seigneur, nourris celui donc dont il m'a nourri ou celui qui m'a nourri. Wa asqi man saqani, c'est-à-dire également donc donne la boisson à celui qui me l'a donné. De façon générale, la boisson wastriman saqani, donc abreuvé. Également une autre doa qui se dit et qui est donc la troisième que l'on cite et qui est la suivante: akala ta'amakum al-abrar wa sallat 'alaykum al-mala'ika wa aftara 'indakum as-sa'imun. Également qui est hadith authentique, c'est-à-dire donc akala ta'amakum al-abrar. Et ces trois phrases, pour bien les comprendre, ces trois phrases, pour bien les comprendre, ce sont des doigts que l'on fait. Ce sont des doigts que l'on fait. Et donc, même la dernière, et c'est important de savoir cela, pour pouvoir savoir à quel moment on l'a dit. Akala ta'amakum al-abrar. Donc, ceux qui ont mangé votre nourriture, ce sont les vertueux. Ou que ceux qui mangent votre nourriture soient des vertueux. wa sallat alaykum al-malaika, et que donc les anges prient sur vous. Et bien sûr, la prière des anges, c'est l'invocation, c'est qu'ils invoquent Allah Azzawajal pour vous dans le bien, et dans le bien que vous avez donné. Wa aftara 'indakum as-sa'imun, et que bien entendu as-sa'imun, ceux qui donc les jeûneurs, ceux qui jeûnent, rompent leur jeûne auprès de vous. Et ça, bien entendu, c'est une doua. On comprend cela que c'est une doua. C'est-à-dire que ne pas comprendre ce hadith, et plus précisément cette dernière phrase, uniquement pour ceux qui sont en état de jeûne. Pourquoi ? Parce que c'est une doua. Et lorsque c'est une doua, c'est une demande à Allah Azzawajal. Donc demandez à Allah Azzawajal que ceux qui sont jeûneurs, qu'ils rompent leur jeûne auprès de vous. Et pourquoi cela ? Bien entendu, parce qu'il y a un grand bien. Et on sait que celui qui fait rompre le jeûne d'un jeûneur, il a la même, le même ajr, c'est-à-dire donc la même récompense que celui qui a jeûné, sans même que le jeûneur, il lui soit enlevé une récompense, ou une chose de la récompense, ou une part de la récompense. Et ça, min fadlillah al-azim, ça fait partie bien entendu de la grâce d'Allah Azzawajal. Donc dire de cette dua, c'est à tout moment, et pour tous ceux qui ont donc participé à cette nourriture, et qui ont donc été invités. أَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ. Également une doua que l'on dit, et qui est ici plus précisément pour celui qui va être marié. Et c'est un hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha. فَزَوَّجَنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْنِي أُمِّي. C'est-à-dire donc, lorsque Aïcha s'est mariée avec le prophète صلى الله عليه وسلم, et que sa mère à elle, elle est venue, elle l'a fait entrer dans la maison. فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ. فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَا عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ الطَّائِرِينَ وَعَلَى خَيْرِ الطَّائِرِينَ. Donc il y avait des femmes parmi les Ansar qui étaient présentes dans la maison. Elles ont dit donc à Aïcha, عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ, c'est-à-dire donc عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ, que ce soit cela donc ce mariage entre parenthèses dans le bien, et qu'il soit béni. عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَلَا خَيْرِ الطَّائِرِينَ. الطَّائِرُ هُنَا النَّصِيب, c'est-à-dire donc soit la meilleure des parts. Donc un nasib qui est donc la part, et qui marna ici الطَّائِر. وَلَا خَيْرِ الطَّائِرِينَ, donc, et que ce soit suivant la meilleure des parts. Ça, c'est également une doua que l'on dit à celui qui s'est marié. عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَلَا خَيْرِ الطَّائِرِينَ. Ensuite, et ça bien entendu c'est pour mettre en garde, et pour se rappeler ce que faisaient les gens de la Jahiliya, c'est-à-dire les gens qui vivaient avant l'islam, avant que n'advienne l'islam, et suivant bien entendu leur habitude, et qui étaient pour beaucoup d'entre elles contraires à ce que enseignait ensuite l'islam. Et on voit que dans les du'as, c'est-à-dire dans les invocations également, il est venu ce qui est contraire à cela. Et cela nous est indiqué dans le hadith. Dans le hadith où an al-Hasan ibn Aqil ibn Abi Talib annahu tazawwaja imra'atan fa dakhala 'alayhi al-qawm fa qalu bir-rafa wal-banin fa qala la taf'alu dhalik fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha 'an dhalik. Dans ce hadith qui est authentique, où il y a donc des personnes qui sont venues et qui ont dit donc Al-Hassan, Bir-Rafa, Wal-Banin. Wama ma'na Bir-Rafa? Al-Rafa, comme nous l'explique Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, fi tuhfatul mawdud, bi ahkam al-mawlud, il nous dit tout simplement, c'est al-iltiham ou al-ittifaq. Bir-Rafa, qui veut dire donc al-iltiham ou al-ittifaq. C'est donc comme faire une dua, une invocation, et demander donc qu'il y ait entre l'époux et l'épouse de l'harmonie et de l'accord. Et donc, bien entendu, de l'amour et tout ce qui va. Tout ce qui va dans ce sens, bir-rafa. Donc, ce n'est pas ici ce qui est mahvour, ce qui est donc interdit, mais c'est ce qui vient après. Bir-rafa wal-banin, wal-banin, wal-banin. Ici, bien entendu, donc c'est une doua de demander donc pour ces gens-là qu'ils aient, et qu'Allah Azzawajal donc leur donne comme risque des enfants. Et quand on dit des enfants, plus précisément dhukur, c'est-à-dire donc des mâles, c'est-à-dire donc des garçons. Et ça, bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est dit dans la suite du hadith, il l'a interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela. Pourquoi ? Parce que dans le temps de la Jahiliya, bien entendu, on sait que les hommes ou que le mujtama, la société de façon générale, la société des Arabes, donnait toute l'importance aux hommes, ou plutôt aux garçons. Contrairement donc aux filles, ils détestaient les filles et ils aimaient les garçons. Pour beaucoup de raisons, et qui sont des raisons non valables, bien entendu, au vu de la religion. Et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par la descente de cette religion de l'islam sur lui, a abrogé. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces interdictions qu'il nous a émis, cette interdiction de dire cette doua à ce moment-là, donc, qui vient au moment donc du mariage, et d'invoquer à la personne, ou de demander à Allah Azzawajal qu'il donne comme risque les garçons. Et donc ici uniquement les garçons. C'est pour ça qu'ensuite Ibn Qayyim il dit que la personne, si elle veut faire une invocation donc d'ordre général pour les mariés, qu'elle demande pour lui les enfants de façon générale, que ce soit donc garçon ou fille, sans faire une distinction. Mais si elle fait une distinction, alors ici elle rentre dans le nahy, elle rentre bien entendu dans l'interdiction. Donc on n'a pas à faire de distinction. Et si on a à faire une doua qui concerne cela, alors qu'elle soit de façon générale, qu'elle concerne aussi bien les garçons que les filles, ou qu'elle concerne aussi bien les filles que les garçons. Et également ce que l'on cite, et qui rentre également dans ce qui est permis lors du repas des noces, c'est que la mariée elle-même serve les invités. Et cela est pris bien entendu d'un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam muslim et l'imam également al-Bukhari fi Adab al-Mufrad, où Abu Sayyid al-Sa'idi, lorsqu'il s'est marié bien entendu avec sa femme, radiallahu ta'ala anhuma, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assisté, donc al-Walima, il a assisté à cette Walima de ce mariage-là, il faut savoir que sa femme, son épouse, donc Usayd, c'est elle qui a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait donc préparé une sorte de boisson à base de tamr, c'est-à-dire donc de date, et elle l'a servi. Elle a servi au prophète sallallahu alayhi wa sallam cela. Et c'est pour ça, comme il est venu donc dans l'œuvre du hadith, فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ. Donc elle lui a servi cette boisson. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayh, dans le titre qu'il a donné à ce hadith, il a dit Babu qiyam al-mar'a ala rijal fil 'urs wa khidmatuhum bin nafs. C'est-à-dire donc ce qui est venu par rapport à l'accomplissement de la femme du service qu'elle va faire donc pour les hommes durant al-'urs, donc durant la fête du mariage. Tayyib, et donc elle fait bien entendu elle-même. Cela donc c'est permis. Mais comme nous le rappellent beaucoup de savants, c'est-à-dire lorsqu'on est sûr d'être loin de toute fitna. Ça, c'est déjà une première condition qui est posée par rapport à cet acte-là. Et la deuxième condition qui est plus qu'évidente, c'est que cette femme-là, bien entendu devant celles qui vont être par rapport à elle, à Janib, qui vont être donc étrangers, c'est qu'elle s'habille conformément à la législation. Et comme cela est connu. Comme cela est connu, sans rentrer dans les détails et faire un cours, comme la femme doit être habillée suivant les règles présentes dans le dîn, dans la religion, dans l'islam. Donc également ça c'est une condition pour que cela soit permis. Et donc lorsqu'on a vu tout ce qui est en relation avec Al-Urs, ce qui est en relation avec Al-Walima, et avant cela bien entendu le mariage. Donc le mariage, Alhamdulillah, comme on l'a vu suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait. Ensuite il y a le repas qui s'est fait. On a vu également, pour ce qui est de Al-Walima, pour ce qui est du repas, pour ce qui est de la fête, on a vu que cela se faisait de façon générale suivant Al-Urf, c'est-à-dire suivant Al-Urf, c'est-à-dire l'habitude des gens, l'habitude de Al-Mujtama. Tayyib, au moment que tout cela est fini, alors bien entendu il y aura ce qu'on appelle Laylatou Zifaf, donc la première nuit que va passer l'homme avec sa femme. Et par rapport à ça, et on sait que l'islam, elle a été parachevée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que c'est une religion qui est complète, qui n'a rien oublié. Rien oublié. Tout a été dit pour ce qui est donc de l'affaire de musulman et de ce qu'il a besoin dans sa vie de connaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le bien qu'il a su, il nous l'a indiqué. Donc même cette Layla, même dans cette nuit, il y a des sunnahs à respecter pour ceux qui veulent suivre la sunnah. Et il y a également, et pour rentrer dans ce qui est de la relation, il y a des choses qui sont permises et des choses qui sont interdites, que le Coran nous a mis en évidence et que la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous a mis en évidence. Et c'est ce qu'on va rentrer, ou dans le sujet qu'on va rentrer durant donc ces prochains cours. Et le premier sujet qu'on va aborder, c'est par rapport à ce qu'on appelle le tazayyun, le fait de se faire beau ou de se faire belle pour ce qui est donc de l'homme et pour ce qui est de la femme. Donc s'embellir pour ce qui est donc de l'embellissement, cela concerne, bien entendu on va penser le plus souvent directement à la femme, mais ça concerne également l'homme, parce qu'il est venu dans, bien entendu, par rapport à la sunna. Et lorsqu'on parle de l'embellissement par rapport à l'homme, na'am, tazayyun, la femme non seulement se fait belle pour son homme, mais également l'homme il se fait beau par rapport à la femme. Lorsqu'on dit l'embellissement de l'homme, c'est bien entendu différent de ce qui est de la femme. Est connu de tout le monde. Mais il faut savoir, pour ce qui est de l'homme, ça va plus rentrer bien entendu dans ce qui est de an-nadhafa, pour ce qui est donc de la propreté, également pour ce qui est du parfum, et également pour ce qui est donc d'avoir des habits qui sont propres, des habits qui sont beaux, na'am. Et on verra par rapport à ça plusieurs choses. Et c'est pour ça qu'Ibn Abbas, une parole d'Ibn Abbas qui était rapportée par l'imam Al-Qurtubi dans son tafsir, rahmatullah alayh. Où Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, yaqul, inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyan li. Il dit, Ibn Abbas, dans ce athar qui est rapporté de lui, je me fais beau pour ma femme comme elle se fait belle pour moi. Et ensuite il dit, وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْظِفَ كُلَّ حَقِّ الَّذِي لِي عَلَيَّ طيب فَتَسْتَوْجِبْ حَقَّهَا الَّذِي لَهَا عَلَيَّ لأن الله تعالى قال وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette parole, Ibn Abbas, après donc avoir dit cette parole, qu'il se fait lui beau pour sa femme comme elle se fait belle pour lui. Et il dit qu'il dans ce sens, il dit que lui, il n'aimerait pas que sa femme lui donne tous les droits qu'il a. Dans le sens où lui, il va falloir donc dans ce sens qu'il donne tous ses droits également. Bien entendu, lorsqu'on dit les droits ici, al-haq, c'est de façon générale. Et bien entendu, on sait que fil haq, il y a ce qui est wajib, ce qui est obligatoire, et ce n'est pas ici le marsout. Mais il y a également ce qui est, bien entendu, ce qui est recommandé, ce qui fait partie également des bonnes choses. Tayyib. Donc, à la kulli hal, pour ce qui est donc ici du haq, c'est comme ça qu'on le comprend. Et c'est comme ça qu'on comprend cette parole d'Ibn Abbas. Et c'est pour ça qu'ensuite il a cité le verset. Et le verset c'est le suivant. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. C'est-à-dire qu'elles ont. Donc, autant elles ont des devoirs, autant elles ont des droits envers l'homme. C'est-à-dire que tous les devoirs qu'elles ont envers l'homme, également, lui, l'homme, il a ses devoirs envers elles. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَبِالْمَعْرُوفِ. Pour ce qui est des habitudes, et des habitudes qui ne vont pas en contradiction, bien entendu, avec le din. Ça, c'est de façon générale, bil-ma'ruf. Et donc, lorsqu'on parle du tazayyun, c'est-à-dire le fait que l'homme s'embellit, on va revenir également au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith qu'on avait déjà expliqué, donc on revient à cette explication-là. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait cité 10 choses qui faisaient partie de la al-fitra, qui faisaient partie donc de la saine nature, qui faisaient partie donc de ce qu'on appelle la nature prédisposée. Et parmi ces choses-là, donc le fait de se tailler les moustaches, enam, le fait de se tailler les moustaches, donc d'avoir des moustaches qui vont donc être taillées, enam, par rapport au verset, quant à elles, elles ont des droits équivalents à leur obligation, enam, elles ont des droits équivalents à leur obligation, conformément à la bienséance, enam, enam, donc al ma'ruf, conformément à la bienséance, donc des droits par rapport à qui, bien entendu, par rapport à leur épouse. Comme elles ont des obligations envers leur épouse, eux également, leur époux ont des obligations envers elles. C'est dans ce sens donc on comprend le verset. Donc elles ont des droits et elles ont des obligations. Ensuite, donc, comme on disait, pour ce qui est donc des 10 choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait citées, et donc tailler les moustaches, donc avoir des moustaches qui soient taillées. Et également, yahfa'ul lihya, in'am. Ça aussi, ça fait partie des choses de la saine nature. Et qui est donc le fait de laisser pousser la barbe et de ne pas la raser. Et donc la laisser pousser suivant son naturel. Et c'est pour ça que Aïcha, elle disait que la beauté de l'homme se trouve donc dans cette barbe, lorsqu'il laisse pousser cette barbe, et qu'il, bien entendu, qu'il va entretenir cette barbe-là, ça fait partie de la beauté, contrairement à ce qui est, malheureusement, muntachir, c'est-à-dire répandu de nos jours et à l'époque où on vit, où la personne qui, lui, se fait beau, c'est celui qui va raser sa barbe, et de par là ressembler à une femme, wallah al-musta'an, alors qu'il a changé complètement, à ce moment-là, la création. Allah Azzawajal l'avait créé avec cette barbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté dans les hadiths qui sont authentiques et qui prouvent même l'obligation de laisser pousser la barbe. Et que celui qui l'a ne la laisse pas, il tombe dans le péché. Et pour celui qui la rase complètement, alors c'est encore pire. Parce que comme beaucoup de savants le citent, il change ici la création d'Allah, Wallah al-Musta'an. Et il va tomber dans un grand péché. Le fait donc d'avoir fait cet acte-là. Donc le fait de laisser pousser sa barbe, de l'entretenir, ça fait partie également du tazayyun. Et ça fait partie, bien entendu, de l'fitra. Ça fait partie donc de cette nature prédisposée dont l'homme, ou par laquelle l'homme, il a été créé. Et également un siwak. Et on sait que le siwak également, il a une grande importance. Le fait donc de se purifier la bouche. Et on sait que par rapport à la relation qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est quelque chose qui est très important. Que l'homme, il ait sa bouche constamment purifié. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, lorsqu'on avait demandé à Aïcha radiallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il rentrait chez lui, elle disait à Aïcha qu'il commençait par le siwak, c'est-à-dire qu'il commençait par purifier donc sa bouche. C'était la première chose qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il rentrait chez lui. Est-ce qu'il faisait cela pour rien? Là, il faisait cela par rapport à une hikmah. Ça rentre également dans le fait de s'embellir. Dans le fait de s'embellir et donc de préserver cette belle nature dont Allah Azzawajal, ou par rapport à laquelle Allah Azzawajal il nous a créé. Et tout ce qui est venu également dans ce hadith, comme le fait de couper les ongles, de se raser les poils des parties et également de s'arracher les poils qui se trouvent sous les bras, etc. Taïb sous les aisselles. Et tout ce qui est venu, bien entendu, dans le hadith. Ça fait partie également des choses que la personne, que le musulman doit continuellement appliquer et y prêter une grande attention. Et également l'utilisation du parfum. Également, ça c'est quelque chose qui est très important, l'utilisation du parfum. Et le parfum, il a eu sa place au niveau de la sunna. Et c'est pour ça, comme on l'avait déjà vu et déjà expliqué, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit qu'il avait aimé ou qu'on lui avait fait aimer trois choses dans cette vie d'ici-bas. Et parmi ces trois choses qu'il avait citées, il avait cité le parfum, At-tib. Et donc c'est pas pour rien, parce que le parfum il a une grande importance. Et parmi l'importance qu'il a, c'est justement dans cette relation conjugale. Et ça fait partie de ce que l'homme fait pour qu'il s'embellisse envers sa femme. Taïb. On va s'arrêter ici, inshallah ou ta'ala. Et sachant donc que le prochain cours, on parlera donc pour ce qui est donc de l'embellissement de la femme. Qu'est-ce qui lui est permis? Ce qui lui est également interdit. Ce qui lui est permis, ce qui lui est interdit. Ce qui lui est également mustahab, ce qui lui est conseillé. Et on verra donc par rapport à ce sujet-là. Et on parlera également pour ce qui est de Al-Jamal. Parce que lorsqu'on a parlé de l'embellissement, on reviendra également sur ce sujet, Al-Jamal. Et on verra également, c'est-à-dire donc la beauté, on verra donc également une belle parole et un beau texte d'un des grands chirs de l'islam, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahmatullah alayh, qui va nous parler donc de ce sujet-là. Wallah al-muwaffiq, subhanaka wa bihamdika, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.